sans reproche, sans pleurs et sans reproche. Il est 20h et tu écoutes sans pleurs et sans reproche sur Galaxy Radio 95.3. 2 heures de musique industrielle non-stop avec Derga Golini et EBM Nator. Electro, Indus, EBM, Synthpop, Darkwave, New Wave, Ambient, Metal, Gothic, Post-Punk, Power Electronics. Sans pleurs et sans reproches, Derga Golini, EBM Nator. Lundi 20h-22h sur Galaxy Radio 95.3. Sans pleurs et sans reproches. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Sans pleurs et sans reproches. C'est la numéro 1188. Petite particularité pour moi ce soir, ce sera la dernière pour la saison 2019-2020, saison qui aurait été si particulière. Je suis seul aux commandes, Greg reprendra le flambeau la semaine prochaine. Mais on ne déroge toujours pas à notre rituel sélection de la semaine, qui est pour ce soir le dernier album de Blank, ce sont deux Italiens. Cet album s'appelle Drifting Slowly, il sort en autoproduction. et on s'est écouté le morceau Hypnonauts. C'est vraiment un très très bon album de bon électro en général. Vous avez sûrement écouté l'émission de la semaine dernière, mais je ne suis pas en mesure de vous présenter la sélection de la semaine qui était le dernier album de Agonoise. Il s'appelle Midget Vampire Porn. Ça sort chez Repo Records. Greg s'en chargera pour la dernière émission de la saison 2019-2020. Et comme vous le savez, nous sommes complémentaires et vous aurez la joie de retrouver le Gregolini la semaine prochaine. On a commencé cette émission avec l'Italie et on reste en Italie pour s'intéresser à une sortie toute fraîche de chez Electro Commando Product. Quel bien immense ça fait de voir que Electro Commando Product ne baisse pas les bras et continue coûte que coûte à sortir des albums en CD, malgré la fâcheuse et moderne habitude de proposer uniquement du digital. EKP reprend des forces avec le colombien Leonardo Jaime, alias Resistor. Il avait déjà sorti un EP et c'est son premier album qui s'appelle Driving Force. Il y explore un peu tous les styles électro dark, il y a de bonnes idées et j'attends de voir la suite. Sur cet album également, il y a des remixes de Tour de Force et de Adikei. Pour ce soir, on s'écoute le morceau Body Mix. Et ce sera suivi d'un album qui a failli passer en sélection de la semaine. Il est sorti uniquement en cassette. En tout premier, c'était une nouveauté colombienne manufacturée chez les Italiens de Electro Commando Product. C'était le groupe Resistor, on s'est écouté le morceau Bodybeat, extrait du CD Driving Force. Juste après, franchement, j'aurais bien passé cette formation en sélection de la semaine, cet album plutôt qui s'appelle Foil Living. Cette formation s'appelle Autumns. Et là, de façon incroyable, il s'agit du projet solo de Christian Donaghey. C'est comme si Liaison Dangereuse faisait toujours de la musique avec des moyens actuels. Sauf que Christian fait de la musique depuis 2014, il a déjà sorti 5 albums, soit en vinyle, soit en cassette. Et cette cassette Foil Living, sortie chez les Américains de Decade Records, est vraiment une superbe production. Je vous la conseille, on s'est écouté le morceau Don't Get Serious. Sachez quand même que DKR Records a sorti notamment High Functioning Flesh, Profligate, Twins, Seldon ou encore Boy Archer. Et pour finir cette séquence hantée avec Wild Animal, en Aura Shred Remix de l'album Fear Seize, Remixes, ça sort chez Synth Religion. Il y a des remixeurs comme Horde ou Fragrant sur cet album, mais j'ai choisi de vous diffuser le remix du producteur français Aura Shred. Sachez que la version vinyle de Fear Seize Remixes est parue chez le géant Metropolis. On s'attaque maintenant à un autre géant à qui j'ai dédié carrément une séquence complète, c'est Anzen. Très très actif durant cette période de confinement, comme tout le reste de l'année d'ailleurs. Je commencerai cette séquence avec Anatoly Greenberg et Mark Spybay, c'est une nouveauté. C'est la deuxième fois que le russe de Anatoly Greenberg collabore avec le monstrosaur Mark Spybay, qui joue dans The Viet France ou encore Dead Voices on Air. Cet album, c'est Dust Forbids The Birds to Sing. C'est un album formidable, les constructions sonores sont magnifiques, c'est presque magique. Je ne pense pas vous diffuser le morceau en entier car ils sont très très longs en général, mais ça ne gâche en rien le plaisir qu'on a d'écouter cet album. Ce sera le morceau Gospel Primitives. On continuera avec une nouveauté vraiment toute fraîche aussi de chez Anzen, c'est presque obscène, et on terminera avec deux Ukrainiens. Il est l'heure de sans pleurs et sans reproches dans la galaxie FM. Thank you. Activation. Une séquence entièrement consacrée au géantissime et formidable label Anzen. C'était Anatoly Greenberg et Marcus Paibet pour le morceau Gospel Primitive, extrait de l'album Dust Forbids de Birth to Sing. Juste après, je vous avais prévenu, c'est presque obscène, puisque ce groupe s'appelle Kekette. Blague mise à part, c'est une superbe découverte pour ce label. Kekette, ce sont deux Allemands qui se connaissent depuis l'enfance. Ils ont emprunté des chemins différents et se sont retrouvés sur leur premier album éponyme. Il faut dire que un des membres est ingé son tandis que l'autre est physicien. Et l'alchimie fonctionne à merveille, mon seul regret étant qu'il n'y a que 4 titres. Vous avez de la chance, je vous passe un titre avant la trêve d'été, et il y en aura un autre à la rentrée, on s'est écouté Karvan Bashi. Pour finir, Kadaïcha, c'est une formation ukrainienne, carrément barrée, qui mélange absolument tout ce qu'ils trouvent et l'injecte directement dans leurs morceaux, approchant parfois la dizaine de minutes. C'est à réserver aux amateurs du genre donc, et on s'écoutait Eclipse de l'album Tar. Ne vous inquiétez pas, on va redynamiser tout ça avec ce qui est presque une nouveauté. Enfin, peut-on parler d'un nouvel album de Portion Control? Allez, je vous réponds, c'est oui. Encore une fois, les Portion Control se sont adaptés au contexte ambiant et n'ont pas voulu développer leur génialissime talent. C'est volontaire, la situation des années 2019-2020 font que ce groupe anglais que je vénère pour la suprême qualité de leur son a juste daigné vous proposer quelques nouveaux titres 8 ans après leur dernier album studio. Portion Control est capable de tout, y compris de vous sortir un album oppressant et génial comme Nub sait le faire, et j'attends avec une immense impatience le travail qu'ils sont en train de concocter dans leur studio anglais pour leur prochain album. Ça s'appelle Head Buried, c'est sorti en CD limité à 500 copies sur Progress Productions en Suède, c'est un objet de collection. C'est parti, Portion Control, Head Buried. Thank you. Control, Headburied, extrait de cet album qui s'appelle également Headburied, ça sort en autoproduction. Ensuite du gros son également, c'était Codex Empire avec Driftian, l'album Slow Erosion, ça sort chez Aufnahme und Wiedergabe. Vous le savez peut-être, mais Codex Empire c'est un anglais parti vivre à Vienne et qui a fondé également Constructivist. Là, c'est son premier album sous ce nom, Codex Empire. Sa musique est très puissante, très pesante aussi. Ça marche très bien sur les formats courts comme les maxi, mais il faut vraiment se préparer pour écouter cet album d'une traite. C'est pour ça que j'ai voulu alléger un petit peu l'atmosphère avec Liquid Divine. Vous savez, Infected Recordings aime bien ressortir son back catalogue. Et il y a souvent de bonnes choses comme ce duo, donc Liquid Divine, dont je vous ai extrait Kaleidoscope. C'est un album sorti il y a 15 ans et qui a très bien vieilli, ça s'appelle Interface. Et je souhaite la même maturité pour ce nouvel album de Blank, qui est notre sélection de la semaine, il s'appelle Drifting Slowly. Depuis le départ, ce duo italien composé de Davide Mazza, alias The Maze, et Riccardo Mattioli nous envoie toute leur production. Ça a aussi été un des premiers groupes en 2000 qui nous avait envoyé en numérique leur musique. C'était une autre époque. En 2020, ils se sont rappelés à notre bon souvenir 7 ans après la sortie de leur troisième album, Dark Retreat. Ils avaient alors signé chez les Canadiens de Artifact Records. Là, Drifting Slowly sort en autoproduction, je leur donne raison quelque part, et c'est uniquement en digital. En majorité, les morceaux sont posés sur cet album, et au milieu, les BPM augmentent, puis se posent à nouveau. On sent qu'il y a du travail sur Drifting Slowly. Il y a aussi un featuring avec la Bella Recazza, Elena Fossi de Kirlian Camera. En début de cette émission, je vous ai diffusé volontairement le morceau le plus agité de cet album qui s'appelait Hypnonaut, Là, je vais poser le décor afin que vous savouriez le featuring avec Elena Fossi, donc de Kerlian Camera. Ça s'appelle Apophenia. Blank, Apophenia et featuring Elena Fossi. Yeah. ashes dancing on the hearts of fascists dancing on hot ashes. blood to flush away humanity and the earth to burn so that the flames touch the heavens. Notre sélection de la semaine, l'album Drifting Slowly des Italiens de Blanc. C'était un featuring avec Elena Alice Fossi et le morceau s'appelle Apophenia. J'ai enchaîné avec Rotter Sand, le morceau Hot Ashes de l'album How Do You Feel Today. Ça sort chez Metropolis. J'ai eu peur à la sortie du single assez horrible de Rotter Sand qui s'appelait You Know Nothing. Je craignais que le 7e album soit de la soupe commerciale, et bien heureusement, je me suis trompé. Le trio allemand a donné dans l'éclectisme, à tendance pop industrielle, et c'est une réussite. Franchement, quel beau chemin parcouru depuis 2002 pour Rotter Sand. Après Rotter Sand, Mulfia. C'est un groupe tchèque, composé de Richard Viduna, qui depuis 2000 a sorti une pléthore d'albums en autoproduction. On dirait que c'est un boulimique de travail. Là, il sort Fierce Theory. C'est un album uniquement instrumental. À part le morceau que j'ai diffusé ce soir, qui était The Prophecy Second Coming. De la Tchéquie, on s'est dirigé vers la Slovénie avec Laibar. Les Slovènes de Ljubljana ne se remettent toujours pas de leur concert donné en Corée du Nord. Remarquez, il s'agit d'un véritable exploit. Laibar n'est pas EBM, du moins quand il ne s'intéresse pas à la chose, mais je suis irrémédiablement attiré par la puissance de leurs morceaux, quel que soit le style qu'ils entreprennent de revisiter. Là, j'ai voulu diffuser un extrait de Party Songs. C'est un maxi vinyle paru en édition limitée, avec trois morceaux live du concert donc donné à Pyongyang, la capitale de cette dictature communiste. Et là, ce soir, on s'écoutait Honorable Dead or Alive, When Following the Revolutionary World, en single Orchid Unity version. Rien que ça. Je continue la programmation de Sample Rare et Sans Reproche en changeant radicalement de style, puisqu'on va s'intéresser au quintet canadien de Birthday Massacre. Ce n'est pas trop adéquat dans nos playlists habituelles, mais j'apprécie beaucoup ce groupe depuis leur début d'ailleurs, en 2002, puisqu'ils réussissent à créer de belles atmosphères qui font qu'on oublie qu'il s'agit d'un groupe pop-rock gothique. Là, ils sortent un album Diamonds sur Metropolis. Tout est bien dosé. Il est moins agité que le précédent sorti il y a 4 ans. Il s'appelait Under the Spell. On s'écoute tout de suite le morceau Run. Et faut Yeah. The Birthday Massacre avec le morceau Run de l'album Diamonds. On est resté ensuite en Amérique du Nord avec Peter Jobson et Michael Sozon-Nine de Seattle. Ils forment le groupe Chrome Corps. Et là, ils sortent directement ce maxi de titres qui s'appelle Detecting Movement Extended Mix, qui à mon avis devait initialement apparaître sur le maxi sorti chez Oraculo Records et qui s'appelle simplement Detective Movement. Ce sont deux morceaux totalement orientés dance floor et on s'écoutait Detective Movement en Extended Dance Floor Mix. Pour finir, Rock Order, le morceau Last Strike du EP Hands. Cocorico, c'est un jeune français qui habite Rennes, qui s'appelle Louis Pinceau. Il forme ce projet donc Rock Order. Il fait de la cold techno, comme on pourrait l'appeler. Là, ce maxi il comporte 4 titres francs et directs, et ça sort chez les géants Sonic Groove. Bravo à lui. On retrouve Philippe Munch. Je vous avais présenté la série Überleben en commençant par le numéro 3. Ce qui n'était pas très logique, mais c'était envoyé en promo par Anzen, donc je l'ai diffusé en priorité. Là, on s'intéresse au volet 2 paru chez Aufnahme und Wiedergabe. Et je constate qu'il s'agit en fait de morceaux de Ars Moriendi, un des projets de Philippe Munch. Ces morceaux ont été créés entre 90 et 94. On s'écoutera le morceau Neues Futtern. Et après, on l'en montrera carrément dans les BPM. Philip Munch avec Neues Futtern du EP Überlebensfei. Suivez le duo de Sheffield, Randolph and Mortimer. Il décline le morceau Sermon 1 en quatre versions avec d'autres groupes sur l'EP qui s'appelle Union of the Faithful. En fait, plus qu'un remix, c'est une véritable coopération sur la même base musicale. Sur les groupes qui coopèrent, il y a le jeune italien Vittorio Di Mongo, l'écossais de The Duelist et la belle berlinoise qui fait un carton d'ailleurs, Mila Steiner. C'est elle que j'ai sélectionnée pour ce soir parce qu'elle injecte beaucoup d'éléments EBM dans ce morceau à la base assez techno. En parlant de techno, on a retrouvé un des maîtres, Ekman, avec un des meilleurs maxi de Thomas Ekman. Ça rentre directement dans le vif du sujet. C'est Raise the Pain. C'est simplement une tuerie, tout comme l'inédit Breathing Real. Non seulement ce morceau cartonne, mais en plus quand c'est remixé par Limnest, je n'hésite pas du tout à le diffuser. On va rester avec ce maître de la techno, Thomas Ekman, avec son projet Knarz. Là en fait c'est un projet récréatif de Thomas Ekman donc. Il fait de la speed retro house. Et j'adore la version live du morceau Tanz Machine. On se croirait dans une soirée Galaxy Retro House Legends de l'excellentissime Will Turner. Je vais donc diffuser cette version live de Tanz Machine qui apparaît sur le Classics 3. C'est un maxi 4 titres qui contient un autre titre très rétro, c'est Capriolen. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Et pour finir, vous le savez maintenant, puisque je termine souvent mes émissions comme ça, je me fais un petit plaisir. Ne regardez pas les playlists, vous allez être sûrement bercé par cette ode à l'amitié. Je dédicace ce morceau, bien sûr, au principal intéressé qu'il a créé spécialement pour le duo de Sample Récent Reproche. Je dédicace aussi ce morceau à mon pote Greg et à tous mes autres potes qui écoutent Sample Récent Reproche chaque semaine. Encore une fois, merci de votre fidélité. Restez branchés sur Galaxy Radio. Vous pouvez nous réécouter sur le site de Galaxy, hein, www.galaxyradio.fr, section replay. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Deezer, PodCloud, sur archive.org, sur Mixcloud. Comme dit en début d'émission, c'est la dernière pour moi pour cette saison. J'espère que septembre 2020, ça nous permettra de redémarrer sur les chapeaux de roue. Je vous souhaite d'ici là de passer d'excellents congés d'été. Prenez bien soin de vous, écoutez énormément de musique et c'est avec plaisir que je vous retrouverai en direct, en live, en vivant, comme on dit dans les studios de Galaxy. N'oubliez pas, la semaine prochaine, lundi prochain, ce sera Greg aux commandes pour la dernière de la saison. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Tanzmaschine. wegen ihrer Hüften am Rhythmus der Maschine. Wir tanzen wie Maschinen! Wir tanzen wie Maschinen! Wie Maschinen. Hübsche Mädels schwingen ihre Hüften zum Rhythmus der Maschine. Wir tanzen wie Maschinen. Wir tanzen wie Maschinen. Wir tanzen wie Maschinen. Und ja, was ist euer Problem? Ich kann euch nicht hören! Ich glaub, euch fehlt der Beat. Zum Rhythmus der Maschine. Wir tanzen die Maschine. Guten Abend, Jungs und Mädchen. Ich bin Gabi Delgado. Hi, this is Olga Kuklaki. Hi, I'm Jan Viking from Steril. Hi, this is Brian from the Gothsicles. Salut, c'est Jackie de SA42. Hi, this is Andrew from Iris. This is Jason from the Loyal Opposition. Salut, c'est Jürgen Engler de Die Krups. This is Jason from the band SMP. Hi, I'm Klaus Larsen from Leatherstrip. Hello, ici Darren Haas de Psyche. Salut tout le monde, c'est B. Salut Minute! C'est Mister Bonnet 98 de Voidcom. Bonjour, c'est Stéphane de Spetsnaz. Salut, c'est Stéphane.